cours numéro 13. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. خدنا في درسنا الأخير القاعدة الرابعة والخامسة من قواعد الصفات. Donc le dernier dars, on a étudié ensemble la quatrième et la cinquième règle concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal. فما هي القاعدة الرابعة؟ فكلما كثرت وتنوعت دلالتها من كمال الموصوف أو ظهر من كمال الموصوف. نعم. ففي هذه القاعدة dans cette règle الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه في الحقيقة إلى منطقي مذهب السلف في النفي والإثبات. Et si on a compris طريقة السلف في هذا الباب في باب النفي والإثبات فإن شاء الله تعالى نرى كم خصة قاعدة فعندما كسكي لخص مذهب السلف في النفي والإثبات عندما تفضل مذهب السلف في صفة الثبوتية هم يفسرون صفة الثبوتية ولكن في صفة النفية المنفية لا يفصلون. نعم. Donc on a deux choses هنا. أن في باب الإثبات يفصلون. كانوا يفصلون رضي الله عنه. في باب الصفات donc le fait d'affirmer le dire que Allah سبحانه وتعالى il a tel attribut فبالتفصيل en détail. وفي باب النفي الإجمال c'est pas détaillé. فعندما ما فائدة الإثبات أو التفصيل في الإثبات؟ بالتفصيل في الإثبات يعني يظهر كمال الله عز وجل. نعم. أي كلما كثرت وتنوعت c'est ça notre règle. Plus ces attributs sont nombreux, ils sont cités. فكلما سيظهر لك أي أنت كمال الموصوف أي أن الله سبحانه وتعالى إلى بارفيت وستستفيد دي معاني عظيمة dans ses attributs. فالله سبحانه وتعالى il a du علم, il est capable de tout, il sait tout, il connaît tout, il entend tout, il est au-dessus de ses créatures, il s'est élevé au-dessus de son trône. فسي تسي toutes ces صفات qui sont citées في القرآن وفي السنة فلا شك أنك شك صفة لكاملة. Et si tu cites une deuxième sifa, tu vas rajouter du kamal, ala al-kamal, de la perfection sur la perfection. Ou hakada. Amma al-nafi, a'inda man, tadda. Yani, fil nafi, yani, tariqat al-salaf, hiya al-ijmal. N'aam. Laysa ka mithlihi shay'in, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ahsant. Wa kad yakun, yani, ba'd al-tafsil, li fa'ida. Yani, mathalan, nafi, ma nadda'ahum fi haqqi la al-kadibun, an da'aw ya rahman walada. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. نعم. كذلك يعني نفي توهم نقص في حقه سبحانه وتعالى كقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وكقوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. نعم. دونك الأصل في النفي سي الإجمال. ليس كمثله شيء. Enfin, il n'y a pas besoin de détailler. C'est pour ça que chez Ibn Uthaymeen, rahimahullah tazkurun, on a lu l'exemple qu'il a cité dans son sharh, anna at-tafsil fi an-nafi, c'est pas forcément du madh. Et c'est l'exemple qu'il a cité avec le roi. Si tu dis à un roi, tu n'es pas kada, tu n'es pas kada, tu n'es pas kada, et tu cites des choses négatives, des choses qui ne sont pas bien, enfin, il ne va pas le prendre comme du madh. Si tu veux, fi hadha al-hal, مدحو هذا الإنسان tu veux le complimenter tu cites des caractéristiques كالعلم la science la générosité إلى آخره. فسن قاعدة نافعة et elle est liée cette قاعدة à l'égarement de tous ceux qui se sont égarés fi hadha al-bab. Na'am, fa ba'dhuhum yasun gari min hadha al-bab annahum fassalu fi an-nafi limadha? Li'ann al-ithbat pour eux, le fait de dire qu'Allah il a des attributs, pour eux ça implique que Allah il ressemble à la créature. Fa lihadha ils ont hum fassal fi an-nafi. C'est pour ça que le ulama il cite le mithla hadha al-kalam. Wa illa ce sujet il est clair. Inshallah fi al-wasitiyya Cheikh l'Islam رحمه الله عليه الى السيستم يتعلق بالنفي والاثبات فالشراح كذلك يديمونتر طريقه اهل السنه اي دون لي زوت ليف كالتدموريه والحمويه فاكثر. القاعده الخامسه ما هي؟ تفضل. القاعده الخامسه صفه الله تعالى الذاتيه تنقسم الى قسمين او الثبوتيه ذاتيه وفعليه. احسنت، ذاتيه وفعليه. Et تقدم معنا أن هذا التقسيم il était pas موجود à l'époque des سلف، لكن vu que il y a eu beaucoup de شبهات et d'égarements في هذا الباب à cause de certains groupes égarés، فالعلماء ils ont cité هذا التقسيم من باب البيان فقط، أي pour faciliter pour montrer أن il y a aucune différence entre ces صفات الذاتية والفعلية، أي من حيث الإثبات والقبول والإيمان il y a aucune différence، tu acceptes toutes les صفات d'Allah عز وجل. فالذاتية ما هي؟ تفضل. صفة الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. متصفا. نعم، لم يزل ولا يزال متصفا بها. ما معنى لم يزل؟ ها؟ معنى أن الله عز وجل عنده هذه الصفات دائما. نعم. الأزل، الصفات الأزلية، vous allez entendre souvent ce mot في كتب العقيدة. Al-Azal, c'est quelque chose qui n'a pas de début. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a toujours eu. Al-Abad, c'est quelque chose qui n'a pas de fin. Allah subhanahu wa ta'ala, il les aura toujours. Falam yazal wa la yazal muttasifan biha. Et Allah, il les a toujours eu et il les aura toujours. Limadha li anna as-sifat, c'est comme al-dhat. Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours existé et il existera toujours. Et bien sûr, avec ses sifat, azza wa jal, avec ses attributs parfaits. والفعلية ما هي؟ تفضل. هي التي الفعلية هي التي أي أنا بسيت أن أتخمو لازمة أي لم يزل ولا يزل متصفا بها. الله les a toujours. Il n'y a pas un moment où il n'a pas cette sifa. C'est pas une action, c'est pas un fi'l. Là, comme le visage, comme les mains, comme la science, comme la vie. Ça c'est de ce fait qu'Allah il a toujours, il aura toujours. Al-fi'liya, pour t'aider à te démarquer des autres, de l'autre qism, al-dhatiya, il y a un mot important, mahou. Al-fi'liya, c'est rapport avec, dans le mot fi'liya, tu as quel mot? Al-fi'l. Non. Et هذا الفعل c'est bimada? Ahsan bimashi'ati Allahi azza wa jalla. Et en d'autres mots, إذا شاء الله سبحانه وتعالى فعل وإذا لم يشاء لم يفعل. Si Allah سبحانه وتعالى il veut, il fait cette action, et si il ne veut pas les hikmatin azima, il ne fera pas cette action. عز وجل. كالنزول والكلام إلى آخر. هذا كذلك ce باب il est مفيد كما تقدم معنا pour comprendre les autres مسائل. Et on avait parlé de faire un schéma ensemble pour simplifier. Inch'Allah, on le fera à la fin. Il m'a à la fin du livre, il m'a à la fin de Sifat. Pour, Inch'Allah, ça nous servira de révision. On essaiera de faire rentrer dans ce schéma la plupart de ce Sifat. Donc, on repousse Hada à quand on finira. Hadihi al-Qawa'id bi-Ibnillahi Azza wa Jal. Qala al-Mu'allif rahimahullah al-Qa'idatu al-Sadisa. يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين أحدهما التمثيل والثاني التكييف. قوله يلزم أي يجب في إثبات الصفات التخلي عن محذورين. Donc الواجب pour chaque مؤمن إثبات الصفات bien sûr أي صفات الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى إلى cité في القرآن وفي السنة. Et avec هذا الإثبات, on doit faire attention à deux choses. فهذا قوله التخلي عن محذورين عظيمين. هذا سيطيب dans ce sujet et dans d'autres choses. الإيمان تحقيق الإيمان سوف impliquer دائما الحذر من أمور. فمثلا من يريد أن يحقق التوحيد فلا بد أن يحذر من الشرك. Ça, ça nous montre, si tu veux comprendre une chose et tu veux apprendre une chose correctement, tu dois comprendre les choses qui annulent ce point que tu veux apprendre. Qui l'annulent ou qui le diminuent ou qui l'entache avec un égarement. Tu veux comprendre le sunnah et tu veux appliquer le sunnah, fahdhar min al-bid'ah. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Si tu veux comprendre la ilaha illallah et mettre en application, فَحْذَرْ مِنَ الطَّاغُوتِ أي مِنَ الشِّرْكِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. هذا c'est important. Ne pas faire comme certains égarés, يَدْمْ بِاللَّهِ, et qui, pour eux, si tu m'en gardes contre un égarement, ou une personne, ou une idée, ou un groupe, pour eux, c'est forcément négatif. Et بعضهم يقولون لا, laissez-nous, ne parlez pas des autres. هذا c'est باطل. بعض الناس يزعمون, ils prétendent انهم veulent que le positif. فمثلا هنا on parle de اثبات فقط. اما le reste là, il y en a forcément, si tu mets en garde contre التمثيل et التكييف, tu mettras en garde contre des idées, contre des groupes et contre des personnes. Et c'est ça notre dîme. Et on a cité الايه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. هذا c'est مهم. Pour comprendre les choses, fais des efforts pour comprendre la chose qui annule cette chose. Maintenant, si tu veux comprendre l'islam et appliquer l'islam, tu veux comprendre ce dîn, cette religion et mettre en application, fais attention, il y a des choses qui annulent l'islam. Et on a déjà étudié, walillahi alhamd, ensemble, nawaqid l'islam, les annulatifs de l'islam. Si tu veux faire l'odo, tu dois apprendre comment faire l'odo, tu dois connaître les choses qui annulent la purification à l'odo. Hatta tu fais l'odo et bi'ithnillahi azza wa jal, si tu annules tes ablutions à cause d'une chose, falhamdulillah, tu seras à l'ilm et tu pourras refaire. Wa hakada. Hada c'est un bab azim. De connaître une chose et connaître son contraire. Ou mettre en garde contre les choses qui font du mal à ce point. Et ta'ammalu huna. Ben, on peut poser une question. Annahu il a cité un tamtil ou un takif faqat. Il n'a pas cité at-ta'til. Il n'a pas cité at-ta'til avec ses anwa. Limada. Si tu réfléchis et tu lis bien la qa'ida, ben inshallah c'est wadih. Indamana. Quand le shir, il zamou fil itbet, la sifat, at-ta'til. أحسنت أن هنا في باب الإثبات فالسلوي كي أكسبت لصفات فلا بد أن يحذر من التمثيل والتكييف. أما السلوي كي أصلا يغجت لصفات فعيدا بالله سانيقاري لي ميم با كونسيوني يبقى فير دو تمثيل التكييف. لماذا؟ لأنه أصلا يكوا با على الصفات. فهنا في باب الإثبات. أما باب النفي سان أوتخ باب. الحمد لله on verra les détails dans les règles concernant les noms et les attributs, inshallah. On est bien fi bab al-ithbat comme a bayyana Cheikh al-Uthaymeen rahimahullah dans son sharh ila nabah, pourquoi il a pas cité at-ta'til alors que c'est un égarement fi bab al-sifat. Lakin wana on est fi bab al-ithbat. Donc al-khulasa, le résumé, c'est que si on accepte les sifat, et on doit tous accepter les sifat, mathalan Allah subhanahu wa ta'ala, il a un visage. Donc celui qui accepte, il doit faire attention à deux choses. التمثيل والتكييف. قال رحمه الله فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. التمثيل كما قال شيخ العثيمين c'est une croyance, اعتقاد. Et celui qui prétend que Allah il a cette sifa, al-muthbit, iyadun billah, yi'taqid, il a la croyance, annama athbatahu. Mathalan, le visage. Allah subhanahu wa ta'ala lahu sifatul wajh. Mumathilun. Et ce visage, il est comme le visage des créatures. فهذا عيادا بالله il a fait ressembler un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala à un attribut d'une créature, de l'être humain dans notre cas. قال وهذا اعتقاد باطل. بل c'est du kufr. التمثيل لا شك c'est du kufr. Celui qui fait ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à la créature, لا شك c'est du kufr. لماذا؟ لأن الحقيقة c'est طعن في رب العالمين. لأن l'être humain il a bien sûr des faiblesses, des manquements, des imperfections, des défauts, il a akhiré. Prétendre que Allah il ressemble à la créature, yadam billah, al-haqiqa, c'est critiquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est prétendre qu'il n'est pas parfait, et hada, yadam billah, c'est de la mécréance. Hada donc, c'est batil bidalil al-sam' wal-aql. Taqaddam ma'ana anna al-sam' c'est le Qur'an ou al-sunnah, et l'aql c'est la raison. Qala amma al-sam' فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء وقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وقوله هل تعلم له سميا وقوله ولم يكن له كفوا أحد. Tous ces versets qu'il a cités, rahmatullah alayhi, ils ont à peu près le même sens. لَيْسَ كَمِتْلِهِ شَيْءٍ Rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يَخْلُقْ كَمَنْ لَا يَخْلُقْ Est-ce que celui qui crée, il est comme celui qui ne crée pas? Donc ça montre ce verset, il l'a cité rahmatullah alayhi pour montrer qu'il y a une différence azim. Comment comparer le créateur à la créature? Le créateur, si c'est le créateur, c'est qu'il est capable de tout. عَزَّ وَجَلْ Pour créer, c'est qu'il sait tout. La créature, voilà, chacun n'a pas هذه الصفات. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'attribuer cet attribut à le fait de créer à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. أَفَلَا تَذَكَّرُونَ Celui qui réfléchit à la haqiqa, il ne peut pas comparer le créateur avec la créature. Si on ne compare pas la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est parfaite, avec la vie d'un être humain ou de toute autre créature, enfin, pourquoi comparer les autres sifat ou faire ressembler les autres sifat. هذا في الحقيقة c'est واضح. Cheikh Al-Uthaymeen il a détaillé أكثر في باب ou sur dans le point précédent dans le point suivant sur l'aql. قوله هل تعلم له سميا السمي c'est comme المثيل c'est la même معنى ولم يكن له كفوا أحد كذلك c'est هذا المعنى أي y a rien qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, adillatu as-sam', les preuves en Allah Azza wa Jalla ressemble pas à sa créature, ils sont clairs fi al-Qur'an. قال وأما العقل فمن وجوه. Et هذه الدلالة كما تقدم معنا لنافعة. لنافعة pour aider à expliquer ou pour faciliter à celui qui a des choubah fi hada. ربما il a du mal à comprendre بعض الأدلة, pourtant ici c'est clair. لكن ce point ça va l'aider أكثر وإلا فلا باس القرآن والسنة في هذا الباب لكن العلماء يسيد باب العقل تبعا أي سسوي وإلا فلا باس القرآن والسنة قال وأما العقل فمن وجوه الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات. هذه القاعدة elle est très très importante. Si tu as compris هذا الكلام qu'on va lire ensemble, بإذن الله عز وجل ça va te faciliter beaucoup de choses. خاصة pour comprendre l'égarement de المعطلة. Et ceux qui ont rejeté, qui ont nié les صفات d'Allah عز وجل, كالجهمية والمعتزلة, etc. فإذا علم, il est sûr que tout le monde connaît هذا. C'est pour ça que قال أنه قد علم بالضرورة. Il s'englobe tout le monde. أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات. لا شك qu'il y a une différence entre Allah subhanahu wa ta'ala lui-même subhanahu et la créature. Personne ne peut dire que Allah subhanahu wa ta'ala il est identique à la créature. لا أحد يقول بهذا. Et celui qui dit بهذا فسمي أكفر الكافرين. Donc si on est tous d'accord أن Allah subhanahu wa ta'ala il est pas comme la créature. قال هذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات لماذا لأن الصفات تسوي الذات Et هذه الصفات, c'est des attributs de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble pas à la créature, face aux sifat, كذلك, elle ne ressemble pas aux attributs des créatures. قال لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتبينة في الذوات. أي chacun il a un attribut, cet attribut correspond à lui-même. فمثلا l'attribut d'une créature, un être humain, un animal, etc., ça sera un attribut d'un animal ou d'un être humain. Un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala face à un attribut d'Allah, du Créateur. Même si les noms, c'est les mêmes. Et min huna, in harafa kathirun min annas. Alors, ils ont pensé que, vu que tu dis demain et demain, ils ont pensé que c'était la même chose. Enfin, tawa'if, ils se sont égarés à cause de hada. Ba'dahum, iyadun billah, ils ont dit les mains d'Allah, c'est comme les mains des créatures, al-mumathila. Ils se sont égarés. Ba'dahum, ils ont dit Allah, il n'a pas de main. Les êtres humains, ils ont des mains. On ne peut pas dire qu'Allah il a des mains. Ils se sont égarés à Attalou. Ils ont rejeté, ils ont nié, alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité qu'il a deux mains fil Qur'an al-Karim. Et son prophète sallallahu alayhi wa sallam fait sunnah. Tu as un autre groupe, pour sortir de Hadal Ishkal, ils n'ont pas voulu faire ressembler. Ils ont compris que c'était de l'égarement clair. Ils n'ont pas voulu rejeter. Les textes, ils sont fait le Coran ou fi sunna, ils sont clairs. Enfin, ils ont voulu interpréter pour rassembler bain al-aqwal. Ils ont dit, na'am, Allah, il a des mains. Lakin, c'est pas comme les mains des créatures. Et jusqu'ici, c'est haq. Lakin, ils se sont égarés. Ils ont dit, en fait, les mains, ça veut dire telle chose. Et fil haqiqa, est-ce que ha'oula yu'minouna bil yadayn abda? La yu'minoun. An Allah, il a deux mains. C'est pour ça que Al-Ash'ari, Al-Ulama, il les cite Fibab, ou il les classe avec Al-Mu'attila. Est-ce que pour eux, Allah, il a des mains, il a un visage, il descend Abedan. Yu'minouna bil-lafd, faqat. Yu'minouna bil-lafd, et l'ordre, ils l'ont déformé avec leur passion. Hala ma'na qawl shoum al-Utaymin, rahimahullah. Le lafd, c'est ça que vous devez retenir. Mathalan, Allah, il a un visage. Ça, c'est un lafd. C'est une sifa, elle est citée dans le Coran. Ce visage, quand il est attribué à Allah, il aura une ma'na azim. Et ça sera un visage parfait. Et il ressemblera en rien au visage de la créature. Quand tu as le mot visage, c'est le même mot, wajh wajh. Et il est attribué à un être humain, ça sera un visage d'être humain. Avec ses faiblesses, il est akhir. Qala shaykh al-Uthaymin, fa quwwat al-ba'ir, mathalan, ghayru quwwati al-dharra. Hada, c'est un mythal, Jamil. Pour te montrer une règle importante, عند أهل السنة, et il va la citer, رحمة الله عليه, أظن, أن الاشتراك في الأسماء لا يلزم منه الاشتراك في الحقيقة. Et deux noms, ça implique pas que ces deux noms, ils sont identiques dans les caractéristiques, dans les attributs. أبداً. Cheikh Ibn Uthaymeen, رحمه الله, هنا, il a cité un exemple بين المخلوق pour que tu comprennes. فمثلا قوة البعير. القوة c'est la force. البعير c'est le chameau. غير قوة الذرة. الذرة c'est النملة الصغيرة. بعضهم يقولون الحمراء. Les petites fourmis. بعضهم يقولون les rouges. مهم une fourmi. Est-ce que la force de la fourmi c'est comme la force de البعير? أبدا. Celui qui prétend que c'est identique parce qu'on a dit force et force, هذا, il sera qualifié de majnoun. Il sera qualifié de... Il a un problème dans la raison. Personne ne dit que la force de la fourmi, c'est comme la force du chameau. Et l'échec, le chameau, il a de la force. Il est capable de résister, il est capable de porter certaines charges, plusieurs kilos, plusieurs centaines de kilos, Obama. Et l'échec, la fourmi, elle a de la force. Par rapport à son zat. Enfin, c'est pour ça qu'une fourmi, elle peut porter une toute petite charge. Ça se compte en quelques grammes. Le chameau, ça se comptera en dizaines, centaines de kilos. L'être humain, il a de la quwa. Ça sera moins que le ba'ir, ça sera plus que la fourmi. Enfin, انظر. Et c'est ça qu'a dit le Cheikh Ibn Uthaymeen هنا. قال فإذا ظهر التباين. التباين, c'est l'ikhtilaf. C'est le farq. S'il y a une différence entre la force du chameau et la force de la fourmi, et tout le monde accepte ça. Tu demandes à n'importe quel djahmi, n'importe quel mu'tazili, N'importe quel mu'attil, est-ce qu'il y a une différence entre la force de la fourmi et la force de, du chameau, il sera obligé de dire na'am. Il sera pas obligé de dire oui. Donc s'il y a cette différence, bain al-makhlouq, alors que c'est le même lafz, c'est le même mot, on dit force, force. On aurait pu prendre l'exemple kadhalik, le visage. On aurait pu prendre l'exemple le visage. Oh, pour un animal, la face. Est-ce que la face d'une fourmi c'est comme la face d'un chameau? Là. Pourtant on dit face et face. Les yeux, est-ce que les yeux d'une fourmi c'est comme les yeux d'un chameau? Là. Est-ce que la peau c'est la même? Là. Et ce mot il est important. Tabayoun c'est l'ikhtilab. Et c'est différent, la différence. La fourmi et le chameau, c'est des créatures. Pourtant, deux créatures. Et ils ont les deux mêmes attributs. Les deux mêmes attributs, par rapport au mot. Force, force, visage, visage. Si on accepte qu'il y a une différence, malgré que la céphale a le même nom, force, force, visage, visage, patte, patte, ila akhiri, enfin, pourquoi on n'accepterait pas cette différence fi haqqillahi subhanahu? Surtout qu'en tant que mu'minoun, on a inversé du Coran Karim, ben plusieurs que Cheikh Ibn Uthaymeen l'a cité. Hal ta'lamu lahu samiyya, laysa kamithlihi shay. Pourquoi? Quand on entend, oh, ba'dhum, ayyadun billah, quand ils entendent qu'Allah il a des mains, ils pensent obligatoirement aux mains des êtres humains. L'ibada. C'est cet égarement que Ahlul Bida'a, ils ont fait rentrer dans le cœur de beaucoup de musulmans. C'est pour ça que Madhab al-Ash'ira, c'est le Madhab qui est le plus répandu. Les Madhabs, ils sont rentrés par Hadhal Bab et ils ont voulu faire croire en si tu dis qu'Allah il a telle chose, ça fait ressembler à la créature. Donc, il faut déformer. Et pourquoi le Madhab al-Ash'ira, il s'est beaucoup répandu? Les Annaïs Umoun, ils ne délaissent pas le texte. Ils vont dire non. On a un délit, en Allah il a des mains. Ça c'est clair, il va même te citer le verset. Lakin, min bab al-wara, ils vont expliquer هذه الصفات en prétendant أن Allah subhanahu wa ta'ala il est kamil fi dhatihi wa sifatihi ila akhri. Allah subhanahu wa ta'ala il ressemble pas à la créature. Donc les mains, pour eux ça veut dire telle chose. Et ils se sont égarés min hadha al-bab. Donc, هذا أولا, la raison, elle accepte que deux choses, elles ont le même nom, matalan, force et force, et c'est deux choses différentes. Cheikh Ibn Uthaymeen a donné l'exemple avec la fourmi et le chameau. Thaniyan, donc, fi haqqillahi azza wa jal, wa lahu al-mathalu al-a'la, hada c'est, comme a qala Cheikh Ibn Uthaymeen, ajla wa aqwa. Limada, li anna, si on acceptait cette différence entre deux créatures, et c'est là l'importance de ce point. L'exemple de Chabunatimine, il est taïb, il y en a ces deux créatures, le chameau et la fourmi. Si on accepte cette différence dans la force, et dans le visage, et dans beaucoup de choses, entre deux créatures, enfin, pourquoi on ne l'accepterait pas entre le créature et la créature et le créateur? Ah, ça c'est vrai. Thaniyan, qala an yuqal. Kayfa yakun al-Rabb al-Khaliq al-Kamil min jami' al-Wujuh mushabihan في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق فإن التشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. C'est ce qu'on a cité au départ ensemble. أن في الحقيقة هذا طعن في رب العالمين et c'est تنقص في حق الله عز وجل. لأن si on dit que les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est comme les mains des créatures, on achète que les mains des créatures c'est des mains de créatures, avec des faiblesses, avec des défauts, avec des imperfections. Il a enfin, celui qui dit que les attributs d'Allah c'est comme les attributs des êtres humains, ou certains va faire haqiqa yat'an fillah, yat'an fillah subhanahu wa ta'ala, et c'est très très grave. L'imam Ali, on n'a pas le droit d'attribuer un manquement, un défaut, une imperfection à Allah azza wa jalla. Donc si on a compris Adam, on n'a pas le droit de dire qu'Allah il ressemble à la créature. Or, un de ses attributs ressemble à la créature. Les mains d'Aliana, on est tous d'accord que la créature elle a des faiblesses, des manquements. Tu demandes à n'importe quel mu'tazili, est-ce que l'être humain il a des faiblesses, des manquements? Il te dira non. L'être humain il dort, l'être humain il oublie, l'être humain il a peur, l'être humain il a beaucoup de choses. Enfin, pourquoi faire ressembler une de ses caractéristiques à cette créature faible à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est parfait? Ça c'est le deuxième point. Al-thalith, annana nushahid fil makhlouqat ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل حقيقة ce point il ressemble au premier. Nous شاهد في المخلوقات ان on est tous d'accord ان المخلوقات les créatures يتفقون في بعض الاسماء مثلا الشيخ ابن عثيمين l'a cité la main de l'être humain. فقال ويختلف في الحقيقه والكيفيه فنشاهد ان للانسان يدا ليست كيد الفيل. L'être humain il a une main, yed. L'éléphant كذلك. En arabe il dit yed. En français, ils vont traduire par une patte. Wa illa, en arabe, c'est yed, yed. Tu veux prendre l'exemple de la face, tu veux prendre l'exemple des yeux, il a akhir. Fala shaykh qala, wa lahu quwwa, laysat ka quwwati al-jamal. La force, l'être humain, il a de la force. Un être humain normal, il peut porter une charge de 30, 40, 50, 60 kilos. Il ne dépassera pas 100 en général. Wal fil lahu quwwa. Et la shaykh anna, l'éléphant, il portera une charge beaucoup plus élevée que celle de l'être humain. Donc, ce n'est pas la même chose. Pourtant, on a dit main et main. On a dit force et force. Est-ce que, si on prend l'exemple de la main, est-ce que le kayfiyya c'est la même? Le kayfiyya, ça y est, inshallah, c'est le shakl. C'est l'apparence, c'est la forme. L'être humain, مثلاً, un être humain normal, il a 5 doigts. Et sa main, il y a des os, il a de la peau, il a akhri, une main d'être humain, de la chair, du sang. Marou, est-ce que ça sera la même chose avec la patte d'un éléphant? Ah, putain. Thomas, si tu prends la patte du chien, Thomas, si tu prends beaucoup d'animaux, ça ne sera pas la même chose. Qala, la yelzam minhu l'ittifaq fil haqiqiyya. Ou qala, on répète, حتى c'est واضح, فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. Et هذا الكلام il est مهم. Ça va t'aider في جميع أبواب الصفات. Et بإذن الله عز وجل, ça sera une porte fermée contre les choubas. Et في الحقيقة, c'est ce point que أهل البدع, ils n'ont pas compris. أو عياذ بالله, ils ont compris, لكن ils l'ont délaissé من باب العناد والهوى. Et ils se sont égarés. Même le mubtil, في هذا الباب, il s'est égaré à cause de هذا. Al-mumathila ou al-mu'attila. Tu as deux groupes d'égarés في هذا الباب. Al-mumathila, athbatu al-sifat, عياذ بالله, لكن ils ont exagéré في الاثبات حتى قالوا أن مثلا les mains d'Allah عز وجل, c'est comme les mains de l'être humain. Ils se sont égarés, لماذا? À cause du tamthil. Mathalu. لماذا? لأنهم ils ont entendu des versets أن الله il a des mains. Et là, chaque annahum, ils savaient que l'être humain il a des mains, eux-mêmes ils ont des mains. Enfin, ils ont pensé que main et main c'est la même chose. Donc ils ont dit, non, Allah il a des mains comme nous. Les mains d'Ali annahu il a 10 mains. Ils se sont égarés. Al-mumathila. Tu as un autre groupe, et c'est l'autre extrême, al-mu'attila. Ceux qui ont rejeté le sifat. Ou qui les ont déformés. On fait rentrer via al-qism, al-jahmiya, ou al-mu'tazila, ou al-ash'ira, ou al-kulabiya, et tous ceux qui les ont suivis. Ha'oula, nafs al-shay. Quand ils ont appris que Allah subhanahu wa ta'ala fil Quran al-Karim, il a cité les mains, et comme tout le monde, l'être humain il savait, et eux-mêmes ils ont deux mains, enfin, automatiquement ils ont fait le parallèle, ils ont dit Allah il n'a pas de mains. Les mains là, l'être humain il a des mains. La kinya jama'a, comment on fait le verset Allah qala bal yada mabsutatan, il a deux mains. Fabadum harafu bi wudouh al-jahmiya, l'ulama ils ont fait sortir de l'islam. Et ba'dhum, vu que le verset il est clair, iyadan billah, ils ont eu recours à un autre égarement. Et ça montre qu'ils suivent leur passion, ils sont plus dangereux que les autres. Qalouna'am, il a dit des mains, lakin, ça veut dire telle chose. Et ils se sont égarés. Baqiya al-madhab, al-wasat, madhab ahlil-haq, anahum, ils ont dit, na'am, Allah, il a des mains. Limadha li'an Allah azzawajal, il a dit dans le Coran, il a deux mains. On ne va pas rejeter le verset, iyadan billah. Thumma ils ont dit, naam, l'être humain il a des mains. On ne va pas rejeter hada, nous-mêmes on a deux mains. Thumma ils ont appliqué cette règle, anna al-ishtirak al-ittifaq fil ism, main et main, ça implique pas une ressemblance. Limadha, tu appliques tous les autres points. Est-ce que la force de la fourmi c'est comme la force de l'éléphant alors que c'est deux forces là? Est-ce que la force d'Allah azzawajal c'est comme la force d'un être humain là? Prends l'exemple le plus évident, la vie. مثلا الأشاعرة ils sont d'accord avec nous qu'Allah il est vivant. لا شك هذا. Et l'être humain, on est tous d'accord que l'être humain il a une vie. Est-ce que cette vie, c'est comme la vie d'Allah Azzawajal? Abadan. Falimada, dans ce point, ils ont accepté. Ils ont dit, là, la vie d'Allah Azzawajal, elle n'est pas comme la vie de l'être humain. Allah, c'est l'awwal, c'est l'akhir, il est akhir. Amma, l'être humain, là, il est précédé par le néant, il goûtera à la mort. Donc, ils ont accepté. Donc, ils ont dit, Allah, il a une vie. Falimada, limada, li anna, cette vie, tudhaf ila Allah Azzawajal, on dit, hayatullah, on dit, c'est le hay. Et l'être humain, il a une vie, c'est une vie d'être humain, avec ses faiblesses. Donc on a accepté les deux sifat sans les faire ressembler. C'est exactement la même chose dans tous les attributs. Pardon, mais ils n'arrivent pas à comprendre. Quand tu lui dis Allah, il a des doigts, automatiquement il pense à la créature. Et il te dit, comment tu dis Allah, il a des doigts? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé. قلوب بني آدم بين أسبوعين من أصابع الرحمن. As-sabi' ar-Rahman, Allah il a des doigts. Et les cœurs des êtres humains, ils sont entre les doigts d'Allah Azza wa Jalla. On dit Allah il a des doigts. Est-ce que un sunni, walillahil hamd, c'est clair, lakin un aqil qui réfléchit, est-ce que ça va impliquer une ressemblance? Allah il a des doigts, ne pense pas aux doigts des êtres humains. Là, shay'un akhar, et c'est muhim. Vous avez remarqué que ha'oula, ils font beaucoup ressembler Allah à la créature. Dès que tu leur parles d'une sifa, ils font automatiquement le lien à la créature. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours eu des mains? On est tous d'accord. Allah, il a toujours eu des mains. Sifatun dhatiyah. Est-ce que l'être humain, il a toujours existé? Là. Le premier être humain, c'est Adam. Avant Adam, il n'y avait pas d'être humain. Est-ce que avant Adam, Allah, il avait des mains? Non. Pourquoi dire Allah, les mains d'Allah ressemblent aux créatures? Allah, il a toujours eu des mains, alors que l'être humain, il n'existait même pas. Donc, ça ne peut pas être une ressemblance à l'être humain. Allah, il était avant. Azza wa Jal. Donc ça montre que le qawl est batil min wujuh, idda et min ahsan. Man bayyana hadha, c'est l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, fi as-sawa'iq al-mursala. C'est un kitab nafis jiddan. Walil asaf, une partie elle est perdue, ils ne l'ont jamais retrouvée, lakin tubi'a minhu ba'd al-mujalladat, lakin il y a le mukhtasar. Ahad al-a'imma al-mawsili rahimahullah, il l'a résumé, ils l'ont imprimé en plusieurs volumes, en quatre volumes. Et le Mukhtasar al-Haqiqa avait fawaid kathira. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah, il cite une sifa. Mathalan sifatu al-yadayn. Thumma il cite l'égarement de khasatan al-ash'ira. Anahum, ils disent que c'est la force. Ils disent que c'est les bienfaits. Ils disent que c'est kada. Thumma il répond rahimahullah. Ahyanan il répond akthar min 50 wajh. Ahyanan il répond avec 50 points différents. Anahu, c'est faux parce que kada, c'est faux parce que kada. Hakada ulama us-sunnah, walillahil hamd, ils ont répondu à ces choubah. Qala, fa'ulima bidhalik anna l'ittifaq fil ism la yalzam minhu l'ittifaq fil haqiqa. Fahada, alhamdulillah, on a compris avec les points qu'il a cités chez Ibn Uthaymeen. Thumma qala, wa t-tashbihu kat-tamthil, wa qad yufarraq baynahuma. Naam, on a, il revient au premier point concernant At-Tamthil. La règle, c'est Al-Ithbat, c'est wajib, et on doit faire attention à deux choses. At-Tamthil wa At-Takif. At-Tamthil, c'est faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à la créature. Il a démontré avec des preuves du Coran que c'était faux, et il a démontré avec la raison, des preuves rationnelles, que c'est faux. Thumma, il revient. Ma yata'alaq bi-Tamthil, rahimahullah, qala wa At-Tashbih kat-Tamthil. Tu as deux mots. Tu as Tashbih et tu as At-Tamthil. C'est la même chose. Hakada qala Ibn Uthaymeen, thumma qala wa qad yufarraq baynahuma li anna At-Tamthil at-taswiya fi kulli as-sifat wa At-Tashbih at-taswiya fi akthar as-sifat. Na'am. Al haqiqa, il y a une différence, comme qala Ibn Uthaymeen. Il y a une différence. At-Tamthil, tu pourrais traduire par identique. Mathalan, je dis هذا الكتاب مثل هذا الكتاب. Un frère, il a le même kitab que moi. Identique. La même couleur, le même titre, le même format, c'est le même. Je dis هذا الكتاب يشبه هذا الكتاب. Est-ce qu'ils sont identiques? Là, ils se ressemblent. Peut-être qu'ils vont se ressembler dans la couleur, فقط. Le contenu, c'est pas la même chose. Peut-être qu'ils vont se ressembler le titre, ils ont le même titre, le contenu, c'est pas la même chose. Peut-être qu'ils vont ressembler le format. Mais la couleur, elle est différente. Donc, il y a bien une différence. ثم قال جمع عزيمين لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن. Et ça, c'est important. فلهذا أحيانا quand on lit كلام شيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول التشبيه أحيانا ودي والأفضل سيتعبير بالتمثيل كما قال هنا شيخ ابن عثيمين lui-même رحمه الله عليه فلا شك أن الأفضل c'est d'employer le mot التمثيل pour plusieurs raisons la première أن c'est le lafd qui a été cité في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء il n'a pas employé سبحانه le mot تشبيه يتعلمون أن القرآن فسي كلام الله سبحانه وتعالى سي الله سبحانه وتعالى إلى سيتي سمو سي كي une فائدة عظيمة et c'est un fait et كذلك d'autres points qu'on ne citera pas هنا ça viendra inshallah dans les autres دروس فعلى كل حال التمثيل سي أولى parmi les ulama qui citent التشبيه ففي الحقيقة سي بمعنى التمثيل عندهم c'est بمعنى التمثيل فإن y a pas de mal وإلا en détaillant فالحقيقة les différences فلو مو تشبيه ça peut impliquer des choses fausses فلهذا بعض العلماء كشيخ الإسلام لتيمية رحمه الله قال في الحاشية dans mon تحقيق قال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى وذكرت في النفي التمثيل ولم أذكر التشبيه شيخ الإسلام لتيمية رحمه الله dans un passage de ses livres في مجموع الفتاوى il a cité pourquoi il a cité le mot تمثيل il a pas dit تشبيه alors que beaucoup de gens ils disent تشبيه قال لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه حيث قال ليس كمثله شيء لماذا لأن الله عز وجل il a employé le mot تمثيل فلو mieux c'est d'employer ce mot et ça c'est une فائدة عظيمة pour nous أن في دين الله عز وجل خاصة في هذا الباب باب الصفات fait attention de ne pas utiliser des mots qui sont pas cités dans le Coran et في السنة et de ne pas utiliser des mots que العلماء ils ont pas utilisé أما هذا اللفظ التشبيه فكثير من العلماء اللي يتليز et pour eux c'est التمثيل فلا بأس لكن يعني فائدة de connaître la différence لكن certains mots que بعض الناس يتليزوا في هذا الباب c'est très très grave مثلا كالجزء أو البعض أو الحد tout ça في حق الله عز وجل on n'a pas le droit d'utiliser هذا c'est الفاظ لا تثبت ولا تنفى لكن vu que c'est pas cité في القرآن وفي السنة on n'a pas le droit faire attention même dans d'autres abouab lakin dans le chapitre des noms et des attributs c'est grave on fait attention de bien se limiter dans nos mots quand on parle fima yata'alaq bid-din avec des mots précis qui sont présents dans le Coran fi sunna et que les ulama ils ont utilisé les mana il y en a beaucoup d'égarements la cause c'est ba'd al-alfa un mot qui est utilisé et peut-être ce mot il a plusieurs interprétations et ba'd an-nas ils entendent ce mot ils comprennent une mauvaise chose et il l'applique fi dinillah azza wa jall. C'est pour ça que les mots qui sont utilisés dans le Coran ou dans la Sunna, voilà, c'est des mots qui font partie de la révélation et tu trouveras pas de défaut, d'imperfection abatan. Illa ba'd al-mu'anidin 'iyadan billah, ils déforment même le wadih fa ha'ula, c'est eux qui veulent l'égarement. Lakin al-insan fa attention qu'il soit pas la cause d'un égarement à cause d'un mot. Fa thamma al-matalan qawa'id ahli al-bid'ah. On a déjà étudié hadith al-mas'ala avec certains frères. Des qawa'id, ils ont cité des mots, fi bab al-jarh wa al-ta'dil wa fi bab al-rudud, des mots qui vont impliquer une chose de vraie, une chose de fausse, et umma min al-nas s'égare. Quand tu viens rechercher hadha al-lafd qu'ils ont utilisé, as-salaf, ils l'ont jamais employé. Pourquoi ils l'ont jamais employé? Parce qu'il y avait du shar. Al-insan yahdhar. Et hadha kadhalik, la différence entre al-tamthil wa al-tashbih, al-ulama y détaille akthar dans d'autres livres. قال وأما التكييف أو هذا on laisse pour le prochain درس نعم ذهب الوقت le prochain درس vu que la قاعدة la septième elle est très simple أن صفات الله عز وجل توقيفية on a déjà vu في الأسماء c'est la même chose le prochain درس on finira التكييف et on lira la dernière règle في الصفات إن شاء الله تعالى et كذلك si on a le temps on essaiera de faire le schéma et réviser. وإلا on fera ça un درس prochain. على كل حال, continuer la révision comme on a fait في باب الأسماء. On essaiera de réviser les sept règles في باب الصفات. كذلك, on continue à réviser قواعد الأسماء qu'on a vu au départ. ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. هذه القاعدة importante la sixième. Elle est importante et on peut la résumer هنا. أن في الإثبات في إثبات الصفات vous avez remarqué que la plupart des قواعد au départ c'était في الإثبات أن الله il a des صفات ثبوتية منفية هذا صف الإثبات الثبوتية كذلك أن صفات الله عز وجل كاملة صف الإثبات إلى آخره هنا après tout cela et ça montre أن شيخ ابن تيمين il a choisi un ordre pour ses règles فلا سيزيام في الحقيقة c'est pour préciser ما تقدم أن هذا الإثبات on a compris الآن أن الله عز وجل لدى الصفات الصفات الثبوتية on doit croire à ces صفات لكن tu dois faire attention à deux choses التمثيل والتكييف فمثلا n'importe quelle صفة أن الله عز وجل ينزل كما جاء في الحديث ينزل ربنا الله descend فاحذر فاحذر quand tu lis هذا النص et là chaque si tu lis tu vas croire et حذر من محذورين fais attention à deux choses ne pense pas que le nuzul c'est comme le nuzul de l'être humain le nuzul de l'être humain c'est connu un être humain qui descend لا تظن أن الله سبحانه وتعالى c'est comme ça ليس كمثله شيء الله سبحانه وتعالى descend comme il veut et sa descente elle est parfaite عز وجل كذلك fais attention à la kayfiyya comme on verra dans le prochain dors نكتفي بهذا et on passe à notre second dors inshallah